Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Simone Veil, une étoile filante au firmament des philosophes. C'était quelqu'un qui a vécu d'une façon absolument fidèle à ses idées. Quelqu'un qui ne transigeait absolument pas. Elle allait jusqu'au bout de ses idées et jusqu'au bout des expériences qu'elle entreprenait. Elle cherchait les moyens de changer la condition ouvrière, mais d'un changement réel et non pas simplement théorique. À mon humble avis, c'est une des rares, voire la seule intellectuelle du XXe siècle à avoir d'abord expérimenté dans son corps ce qu'elle avait à dire théoriquement. Le parcours de Simone Veil est unique, unique et fascinant. Et en quelques mots seulement, Simone Prêtement et Laure Adler, toutes deux biographes de Simone Veil, réussissent admirablement à nous lancer sur ses traces. Élèves du célèbre philosophe Alain, elle-même l'une des voix les plus importantes de la philosophie au 20e siècle, Simone Veil aura un destin hors du commun. Femme engagée pour la justice et l'égalité, elle considérait que pour vraiment comprendre l'injustice, il fallait en faire soi-même l'expérience, ce qui la conduira à choisir de se laisser mourir de fin durant la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 34 ans. Moi, ma vie a été sauvée par un texte, alors j'ai appris après qu'il n'était pas entièrement d'elle, de Simone Veil, qui s'intitule « La pesanteur et la grâce ». Un jour, une copine de lycée m'a dit « Tu vas bien tu t'interroges sur des problèmes qui n'existent pas, regarde, lis ce livre et tu vas ressortir beaucoup plus forte. » Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire des fragments de ce texte qui s'appelle « La pesanteur et la grâce », j'ai commencé à ressentir une sorte de justification de mon existence en me disant « Si moi, je n'ai pas envie de vivre, en tout cas, je peux vivre pour essayer d'aider les autres. » Et elle m'a indiqué ce chemin en disant « On peut aider les autres. On n'est pas là tout seul au monde, face à soi-même. » À nouveau, l'auteur et intellectuel Laure Adler à l'émission Christiane Charette en avril 2009 pour nous raconter ce destin hors du commun de Simone Veil. Je retrouve avec plaisir Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlez-nous de votre Simone Veil. Qui est-elle en quelques mots? Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous? Un être humain hors du commun, ouais. Une femme tout à fait intransigeante, déterminée, une femme qui a eu une vie qu'elle a vécue dans la fulgurance. 34 ans, c'est très court pour réaliser ce qu'elle a réalisé, qui est marquée par un sentiment permanent de révolte face à toutes les formes d'oppression, et c'est pas que le monde ouvrier. Et donc, une femme qui va se maintenir durant toute sa vie libre et droite, ouais, dans ce qu'elle pense et dans son agir également. Femme d'idéal, c'est fascinant parce que c'est à la fois une grande idéaliste, une femme d'idéal, mais une femme de terrain aussi. Tout à fait. Ouais. C'est une femme qui va lier finalement son sort à celui des déshérités d'une, ouais, certaine manière. Ouais. On la découvre après sa mort. Ça, c'est assez particulier. À peu près tout ce qu'elle a écrit est publié après qu'elle soit morte. Et dernièrement, d'ailleurs, il y a comme un regain d'intérêt pour elle. Mais pourquoi cette découverte de Simone Veil après sa mort? Premièrement, ses ouvrages, ses textes vont être publiés par ses parents, donc qui colligent ses différents cahiers parce qu'elle a des cahiers où elle écrit. Et donc, tout ça va être publié de manière posthume, d'une part. Et d'autre part, je dirais qu'aujourd'hui, un des intérêts très importants, souvent le texte de l'enracinement est mis de l'avant. Et dans un contexte où il y a une explosion des développements sur le plan technoscientifique, entre autres, on se rend bien compte là, qu'il y a comme un décalage ou des déphasages avec ce qu'est un être humain et ce dont il a besoin. Ouais. Et c'est ce dont elle parle, entre autres, et c'est ce qu'elle a expérimenté à travers toute sa vie, d'une certaine manière, ce qui est de l'ordre des besoins de l'âme, ouais, et non pas uniquement des besoins matériels. Ouais. Pour la comprendre, Simone Veil, pour comprendre ce parcours assez effectivement hors du commun qu'elle aura, il faut comprendre un contexte dans lequel elle va évoluer. D'abord, son contexte familial. Parlez-nous un petit peu de ça. À quel milieu elle appartient? À quoi ressemble son enfance, sa jeunesse? Alors, elle est née en 1909 à Paris, dans une famille juive, bourgeoisie intellectuelle. Pour illustrer la chose, les enfants, on dit que les enfants n'ont jamais eu de jouets, les enfants veillent. Elle a un frère de 5 ans, son aîné, André, qui sera un grand mathématicien. Et ces enfants-là, donc... ils ont des livres. Ils ont des livres. Ils n'ont pas de jouets. Non, ils n'ont pas de jouets. Donc, ils apprennent très rapidement à lire, et non seulement à lire, mais à parler aussi différentes langues. Entre autres, à l'âge de 8 ans, elle a des conversations en grec ancien avec son frère de manière courante qui concernent des textes de la philosophie grecque ancienne, qui concernent également des grands textes, des grands mythes de l'humanité. Alors, c'est assez exceptionnel. Oh, incroyable. Elle va devenir philosophe, engagée de philosophie, Simone Veil, et la philosophie va entrer dans sa vie par la grande porte. C'est le légendaire philosophe Alain qui va lui enseigner au lycée Henri IV. Quelle importance il aura, Alain, pour Simone Veil? Une importance très grande, c'est-à-dire que à la fois, c'est vraiment une relation très proche qui se développe entre le maître et l'élève. On dit qu'Alain, en fait, Simone Veil était l'élève préféré d'Alain. Et c'est surtout, disons, l'introduction et bon, particulièrement la figure de Platon qui va marquer Simone Veil. Et d'une certaine manière, la figure de Platon va l'accompagner durant tout son parcours, si vous voulez, plus pratique, sa vie avec des ouvriers, mais également toute sa pensée philosophique. Et je dirais même, d'une certaine manière, le préparer pour sa vie spirituelle et même pour le christianisme. Elle va comprendre le christianisme, elle va comprendre la spiritualité à travers la pensée platonicienne. Ouais. Avant de retrouver Simone Veil dans les champs, parce qu'elle sera à la ferme à un moment donné, dans les usines, parce qu'elle sera à l'usine. Un petit détour par la très prestigieuse, parce que ça fait partie de son parcours, la très prestigieuse École normale supérieure. Elle y est. C'est pas rien en France. C'est une des grandes écoles. Elle y est au moment où Simone de Beauvoir, Raymond Aron y sont également. Et ça nous permet surtout, cet épisode-là, Catherine Foisy, de parler de cette personnalité très, très singulière de Simone Veil. Comment ça va se passer avec ses condisciples de Normal Sup? Comment elle sera perçue, par exemple, à Normal Supérieur? On pourrait raconter plein d'anecdotes. Je pense que l'une de celles qui illustre le mieux pour moi cette intransigeance et puis cette fidélité à ses idées, c'est un événement qui se passe, en fait, une des seules fois où elle et Simone de Beauvoir se parlent. Simone Veil dit finalement la seule chose qui vaille la peine, c'est la révolution, à la fois de réfléchir et de faire. Et Simone de Beauvoir de lui répondre, mais il me semble que la question du sens est aussi importante. Et Simone Veil de lui rétorquer, on voit bien que vous n'avez jamais eu faim. Ouais. Donc, et à partir de ce moment-là, les deux femmes ne se reparleront plus. Donc, elle est traitée par certains de ses condisciples de vierge rouge. Elle se refuse toute forme de plaisir, même l'amour. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement important pour elle, mais elle ne le vivra jamais dans un rapport interpersonnel, intime avec un compagnon ou une compagne. Parce que pour elle, finalement, vivre un amour, on pourrait dire érotique charnel, c'est finalement de refuser l'amour à tous ceux et celles qui en sont dépossédés. Bon, donc elle a une conception de l'amour qui est beaucoup plus proche de la philia, qui est beaucoup plus proche de l'agapé, donc d'un amour universel. Ouais. Donc c'est avec ces idéaux, cette droiture, cette intransigeance que Simone Veil part enseigner, après avoir été donc avoir reçu son agrégation de philosophie, elle part enseigner dans la région minière du Puy, où elle va déjà très très vite s'engager et activement dans le mouvement syndical. Tout à fait. Bon, elle va militer, elle va donner en fait pratiquement tout son salaire. Elle ne va conserver que 5 francs de son salaire par semaine. Elle va appuyer les mineurs parce qu'il y a une grève à l'hiver de 31-32. En même temps, pour elle, elle se rend bien compte qu'il y a une certaine limite déjà dans le mouvement syndical parce que le mouvement retombe, s'essouffle. Bon, donc elle est à la fois donc professeure de philosophie, mais elle a réellement une pratique et elle cherche à lier son sort vraiment à ces hommes-là. Ouais. Tant et si bien qu'elle va franchir un pas supplémentaire. 31-32, donc appui à la cause des grévistes du secteur minier. 34, elle décide de partir carrément travailler à l'usine. Elle va passer quelques mois donc dans 2 ou 3 usines. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça nous dit sur sa philosophie de la vie, Catherine Foisy? Ben, ça nous dit que pour elle, la philosophie, c'est aussi, donc, c'est chercher à comprendre, mais pour comprendre, il faut expérimenter. Ouais. Il faut vivre dans sa propre chair, finalement, ce que des hommes, des femmes expérimentent au quotidien. On ne peut pas théoriser. On ne peut pas que théoriser pour Simone Veil. Absolument pas. Et donc, elle va vraiment là, aller en usine, vivre l'expérience, la cadence du travail, qui n'est pas un rythme là, qu'on choisit, qui est un rythme complètement imposé, auquel on ne peut absolument rien changer. Elle va vivre les conditions souvent d'insalubrité dans les usines, le peu de normes et puis d'encadrement du travail, le fait qu'il y ait à répondre de petits chefs partout. Ouais. Donc, finalement, que ni le corps, ni l'esprit ne nous appartient d'une certaine manière. Et ce choix qu'elle fait, Simone Veil, de partir travailler à l'usine, il est remis en question, il est discutable aux yeux de certains. Parmi ceux qui remettent ce choix-là en question, c'est intéressant, sa logeuse, imaginez, sa logeuse à l'époque où elle est à l'usine, en 1934, Albertine Thévenon, qu'on écoute dans un reportage qui est présenté à la télé française des années plus tard, en 1968. Elle vous a parlé de son expérience chez Renault? Ah oui, elle m'en a pas parlé, mais elle m'a écrit longuement sur cette expérience. Qu'en pensiez-vous? Eh bien, nous, on en avait discuté avant qu'elle s'en aille, et moi, j'étais pas du tout d'accord, parce que, même encore maintenant, je pense pas que quelqu'un qui est agrégé de philosophie puisse avoir des réactions élémentaires d'une ouvrière. Une ouvrière va à l'usine, d'abord par nécessité, et puis ensuite, elle a d'autres sujets de pensée que Platon ou Karl Marx. Il faut qu'elle sache faire bouillir sa marmite, qu'elle fasse sa lessive, qu'elle pense peut-être où elle ira au bout du week-end. Et nous n'étions pas du tout d'accord. Moi, je pensais pas... J'étais pas du tout d'accord. Ce genre d'expérience, même maintenant, ça n'a pas ma sympathie. Je pense que le fait d'être prolétaire, c'est une situation de fait. Ce n'est pas une situation de choix. Elle n'était pas consciente de ça? Bien sûr que si. Mais elle pensait qu'elle avait quelque chose à apprendre. Et elle est allée quand même, quoi. Ça, c'est très intéressant comme point de vue. Le point de vue d'Albertine Thévenon, Catherine Foisy, ça pose une question fondamentale. Les limites, au fond, de la démarche de Simone Veil. Dans quelle mesure elle peut vraiment vivre et comprendre la situation des ouvriers en allant travailler à l'usine, dans la mesure où elle-même n'appartient pas à cette classe ouvrière? Là où Simone Veil a saisi ou cerné quelque chose, c'est réellement au niveau de la position, finalement, de déraciner que ces gens-là vivaient, que des ouvriers pouvaient vivre. Elle le dit à la fin de ses journées de travail, elle est lessivée sur le plan physique, mais elle l'est également sur le plan moral, sur le plan psychique. Et elle va décider de rester en usine jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver les ressorts à l'intérieur pour être capable de se remettre en route sur le plan de la pensée, sur un plan moral, sur un plan psychique. Donc, et probablement qu'elle est capable de le faire, cela, se remettre sur pied de ce point de vue-là, malgré l'expérience en usine, parce qu'elle n'est pas de cette classe-là. Ouais. Donc, elle est consciente de ça. Oui. Il y a quand même une réflexivité là, chez Simone Veil. Puis en fait, il y a ce ressort, ce besoin d'aller voir, parce que même si Albertine Thévenon, elles en ont parlé, il y a eu des correspondances, un échange d'écriture, mais elle le dit dans l'extrait. On en a parlé, j'étais pas d'accord, mais malgré tout ça, malgré ses critiques, elle va poursuivre après son passage en usine dans les années 30, elle va s'engager dans une ferme, à la ferme en 1941. Le philosophe français Gustave Thibon, qui lui aussi donc a hébergé à ce moment-là Simone Veil, parle de ses motivations à l'émission Partage du jour en 1963. C'était plutôt chez elle le désir de partager le sort de la classe la plus déshéritée, la plus pauvre. Elle pensait que tous les titres sociaux, toutes les préférences que nous pouvons avoir, le nom, la fortune, les diplômes, la situation, sont comme des amortisseurs qui sont placés entre nous et le réel dans ce qu'il a de plus âpre et de plus dur, et que seule la classe populaire, c'est-à-dire l'homme qui est au dernier degré de l'échelle sociale, eh bien celui-là n'a pas d'amortisseur et goûte, eh bien dans toute sa plénitude, le choc de la réalité. C'est pourquoi elle a voulu être ouvrière et c'est pourquoi elle a voulu être également ouvrière agricole. Et c'est à cause de cela, d'ailleurs, qu'elle est venue chez moi. Elle est donc restée chez moi quelques mois. Et ensuite, trouvant qu'elle était trop bien traitée et que les liens étaient trop humains, elle s'est embauchée dans une ferme d'un village voisin où elle a travaillé comme ouvrière agricole dans une, pour faire les vendanges dans un groupe d'ouvriers agricoles où elle était alors traitée d'une façon absolument anonyme. Elle a fait d'ailleurs cela héroïquement car elle était de très faible santé, elle n'avait pas l'habitude. Je me souviens qu'un jour, elle me disait que la vendange était si dure qu'elle avait parfois l'impression d'être tombée en enfer sans s'en être aperçue et que l'enfer consistait à vendanger éternellement. Alors, on comprend bien les motivations de Simone Veil en écoutant cet extrait, Catherine Foisy. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça, de ses expériences à l'usine, de ses expériences à la ferme? Qu'est-ce qu'elle va en retirer? Bien, elle va en retirer réellement un regard, une vision, un point de vue, une manière finalement d'envisager l'être humain, d'envisager son bien-être. Et c'est essentiellement la réflexion qu'elle va se faire. Bon, elle va évidemment faire une réflexion très approfondie, philosophique sur le travail lui-même, sur [S2] Ouais. [S1] Le rapport à la machine, dans d'autres ouvrages. Mais dans l'enracinement, elle revient sur cette question-là aussi du travail pour dire finalement que l'individu, finalement, doit recevoir, chaque personne doit recevoir du milieu, du lieu dans lequel elle s'insère, ce qu'il lui faut pour vivre. Et pour vivre, pour Simone Veil, c'est pas uniquement une question de toit sur sa tête, de nourriture dans son assiette, de vêtements sur le dos. C'est d'abord et avant tout avoir la nourriture pour développer des relations agréables. Ouais. Pour devenir quelqu'un aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc, ces gens-là, en usine, ces gens-là, bon, dans le contexte agricole, c'est aussi différent parce que l'ouvrier agricole, il n'est pas soumis à la même cadence de travail. Il fait partie jusqu'à un certain point où il participe du cosmos. Donc, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a moins de déshumanisation, entre guillemets. Tout à fait. Ouais. Revenons au fil chronologique de la vie de Simone Veil, juste après son passage à l'usine, mais avant qu'elle aille travailler à la ferme. Il y aura pour elle son début de Seconde Guerre mondiale à elle, c'est 1936, c'est son engagement dans les brigades internationales en Espagne. Qu'est-ce qui la pousse à s'engager dans ce combat des républicains espagnols contre Franco? Bien, en fait, Simone Veil, elle a une position de pacifiste. Mais à partir du moment où elle voit bien qu'il y a la guerre et puis que les républicains invitent les progressistes à s'engager, bien, elle décide d'y aller parce que là, il y a réellement une cause qui est valable. Elle va s'engager dans la colonne Durruti, donc une colonne qui était anarchiste. Mm-hmm. Et donc, les décisions étaient réellement prises par les combattants. Elle va en même temps vivre dans le contexte de la guerre d'Espagne, expérimenter quelque chose qu'elle n'a pas expérimenté auparavant, c'est-à-dire le fait qu'elle-même puisse ressentir du plaisir à voir l'ennemi souffrir. Bon. Et alors là, c'est tout un travail d'introspection aussi. Là, de se rendre compte de ça, ça fait extrêmement peur. D'une certaine manière, ça nous ramène un peu à l'idée de la banalité du mal chez Hannah Arendt. Donc là, mais elle l'expérimente concrètement. Ce moment-là lui fait peur. La contradiction entre la tête et le cœur, au fond. Oui, d'une certaine manière. Oui. Parlons de sa rencontre avec Dieu, en fait. C'est un peu comme ça qu'elle en parle. Il y a un premier contact, disons ça comme ça, en 1935, premier choc spirituel au Portugal, mais c'est vraiment en 1939 que Dieu, et je reprends ces termes, que Dieu est descendu et l'a prise. C'est comme ça qu'elle va décrire cette rencontre-là. Comment ça se fait, cette rencontre? Comment Dieu entre-t-il dans sa vie? Ben, en fait, bon, 35, elle saisit finalement qu'elle est d'essence chrétienne d'une certaine manière. La religion, le christianisme, c'est la religion des esclaves. Bon, c'est ce qu'elle comprend. Et donc, elle s'y sent d'une certaine manière prédisposée. Il va y avoir, après la guerre d'Espagne, elle se repose, elle se rend même au sanatorium. Elle s'en va en Italie, à Assise. Elle a aussi un moment de rencontre, un moment où, pour la première fois de sa vie, elle se met à genoux. Bon. Donc, elle se rend bien compte qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais quelque chose de plus grand qu'elle-même, dont elle est déjà en quête pratiquement dès le début de sa rencontre avec la philosophie puis avec Platon, parce qu'elle est toujours inspirée ou en recherche d'un absolu, de la beauté, de la vérité, des idées chez Platon. Et donc, en 1939, c'est à la lecture d'un poème de George Herbert, un poète anglais du 17e siècle, Love. Et là, il y a réellement une révélation. Elle vit une expérience mystique et là, c'est réellement une surprise parce que c'est vraiment la personne de Jésus. Là. Elle sent une présence physique, une chaleur et ça correspond bien à ce qu'on considère comme étant une expérience mystique. Ouais. En même temps, elle va autant, donc, cette expérience, elle a ce contact avec Dieu, il fait partie d'elle tout le temps, au quotidien. En même temps, elle va rester très... très distant, très critique par rapport à l'Église des hommes. Pourquoi? À l'Église comme telle, à l'institution? Bien, parce que c'est une institution qui jusqu'à un certain point, entre en contradiction dans certains des enseignements avec la perspective, le regard que Simone Veil peut avoir développé sur le monde. Oui. Bon, évidemment, il existe une doctrine sociale dans l'Église, bon, mais c'est pas d'abord cette dimension-là qui intéresse Simone Veil. Oui. C'est réellement une rencontre d'un Dieu personnel. Elle n'a pas besoin d'une tribu, elle n'a pas besoin d'un groupe pour communier à ce Dieu-là. Revenons au contexte. Hein, on a dit que là d'où elle vient, de par ses origines familiales, l'époque dans laquelle elle vit est également importante. On est donc en pleine guerre. Elle va se retrouver parce qu'elle se rend compte qu'on ne peut pas vaincre. Elle finit par comprendre qu'on ne peut pas vaincre Hitler seulement avec des prières. Elle va travailler à Londres. Elle travaille à la France libre aux côtés du général de Gaulle. Ça se passe plutôt mal. Elle veut, en fait, partir faire du travail de résistance sur le terrain. On veut pas qu'elle parte. Donc, mais terminons cette émission sur ce contexte-là, sur la façon dont elle va vivre cette Seconde Guerre mondiale et qui va l'amener, Catherine Foisy, à décider de se laisser mourir de faim en 1943, alors qu'elle n'a que 34 ans. Pourquoi? Finalement, c'est l'apothéose de sa vie, d'une certaine manière. Ce qu'elle aurait souhaité ou voulu, si elle avait laissé les événements suivre leur cours, elle était en 40 à Marseille, elle était engagée dans la résistance, mais elle avait ses parents en charge. Elle décide donc de partir vers les États-Unis, aller les mettre à l'abri, et elle rejoint la France libre, comme vous l'avez dit, à Londres. Et donc, à ce moment-là, ce qu'elle aurait souhaité, ça aurait été d'être prise dans la résistance et puis finalement de mourir dans les camps de la mort. Mais finalement, elle va à un certain moment décider, c'est toujours cette même idée-là de lier sa vie, et c'est plus que lier sa vie, c'est vivre la vie des déracinés, des déshérités, des plus... elle savait aussi que sa vie serait courte. Elle l'intuitionnait, elle l'a déjà dit à son amie, d'ailleurs, Simone Petremann. Donc, c'est pas un suicide, parce qu'elle est quand même, elle est faible, elle est malade, elle a la tuberculose, bon. Mais c'est certain que de quitter ce plan-ci, cette terre-ci, avec ce qu'elle avait vécu, à ce moment-là, c'est en soi un testament ou un témoignage. Catherine Foisy, professeure au département de sciences et religions de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.